Ikubikila. Mete cae la otra, cae vio. C'est pas que moi pas mérité, femme. C'est femme qui pas qu'à mériter, moi. Moi, ça vous que fait moi pète, moi. Pas sous passage, j'ai bien un homme comme moi. L'auto, moi, convainc de 60, il peut se péter. Tu fais moi pas les bas et une zaka à babier. De notre tête, tout ça, moi, même ça, ouais, c'est un guidon. Moi, c'est nouveau, funky, pico, change génération, moi. Yo toujours dit, mais pas caché à dans de l'eau, moi, boy. Mais là, côté de l'eau, soleil, là, il pas just me, yeah. Donc, dis-moi qui m'a empêché, moi, caché de l'eau, moi. Si il était bon, ma t'es que continue, veillez encore, moi. C'est pas que moi pas mérité, femme. C'est femme qui pas qu'à mériter, moi. C'est pas que moi pas mérité, femme. C'est femme qui pas qu'à mériter, moi. Check femme, là, moi de ici ni nom li. Il que dit oui, mais c'est compliqué. Check book là, moi de ici ni femme li. Il que dit oui, mais il capre tête li. Chaque classe là, yo fait moi si un hit. Un soldat pas qu'à faire exi. Les book ta là, il peut s'y li. C'est moun ta là, pas qu'à comprendre que. C'est pas que moi pas mérité, femme. C'est femme qui pas qu'à mériter, moi. C'est pas que moi pas mérité, femme. C'est femme qui pas qu'à mériter, moi. C'est pas que moi pas mérité, femme. C'est femme qui pas qu'à mériter, moi. Moi, ça vous que fait moi pète, moi. Pas sous passage, j'ai bien un homme comme moi.